qui donnent, sans que leurs lèvres ne questionnent. Tous ces gens qui les cernent, vidant de leur cœur leur petite peine. Pourquoi une seule épaule doit jouer le rôle d'unique pilier de compassion et de pitié? Pourquoi une seule épaule doit jouer le rôle d'unique pilier de compassion et de pitié? Pourquoi une seule âme pour essuyer toutes ces larmes qui viennent inlassablement déposer le poids de leurs tourments? Pourquoi une main se tend afin de combattre le temps qui use toute passion et frite tout combat? Pourquoi une main se tend afin de combattre le temps qui use toute passion et frite toute compassion? Pourquoi une seule oreille qui écoute et qui veille, absorbant dans sa cavité la voix qui implore la pitié? Parfois je me sens si las en voyant les jours qui passent sans apporter la solution ni soulager mes compas. Parfois je me sens si las en voyant les jours qui passent sans apporter la solution ni soulager mes compagnons. S'il est un pouvoir divin capable d'y mettre fin, alors qu'il se manifeste sans en être de reste, alors je m'inclinerai et mon chemin poursuivrai, tâchant enfin d'accomplir ce que me réservera l'aveu. Alors je m'inclinerai et mon chemin poursuivrai, tâchant enfin d'accomplir ce que me réservera l'avenir. Et mon chemin poursuivrai, tâchant enfin d'accomplir ce que me réservera l'avenir.